Park Kyung-hae, directrice du programme d'échange et coopération des connaissances Canada-Corée et professeure à l'Université British Columbia du Canada, ainsi que des spécialistes malaisiens, américains, chinois, indiens et britanniques, sont arrivés le 4 par vol à Pyongyang pour participer au séminaire international de Pyongyang sur le développement continu.